Bonjour, je suis Stéphanie Renaud, coach de vie intuitive. Je te propose aujourd'hui une méditation matinale afin de commencer et d'envisager cette nouvelle journée sous les meilleures conditions possibles pour toi. Pour cela, je te propose et je t'invite à prendre la position qui t'est le plus agréable possible et ensemble, nous allons tout d'abord faire de grandes inspires longues et profondes afin d'oxygéner l'ensemble de notre corps, l'ensemble de nos cellules. Tu vas tout d'abord inspirer profondément par le nez, puis expirer doucement par la bouche. Prendre le temps de respirer en conscience pour relancer tous les systèmes de ton corps, oxygéner l'ensemble de tes cellules et de tes organes profonds. À l'inspire, si tu le souhaites, tu peux imaginer, inspirer le prana, l'énergie universelle de vie, purifiante, régénérante, et sur tes expires, doucement, laisser aller l'ancien. Tout ce dont tu n'as pas besoin pour entamer cette nouvelle journée. Je te laisse à ton rythme faire quelques inspires profondes dans cette conscience de te régénérer et de laisser aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Nous allons à présent, si tu le souhaites, poser une attention claire et précise, de nous ancrer à la terre, d'être parfaitement ancré dans les énergies telluriques de la terre qui nous portent à chaque jour. Puis nous posons l'intention claire et précise d'être bien centré dans notre centre intérieur. Puis enfin, nous posons cette intention claire et précise d'être parfaitement aligné entre terre et ciel afin de bénéficier du flux des énergies telluriques de la Terre et des énergies cosmiques qui nous traversent en cet instant. Puis nous posons cette intention d'être reliés, connectés, dès à présent et pendant toute cette journée, à notre conscience supérieure qui elle-même est connectée en tout lieu et en tout temps à l'énergie universelle de vie, la source elle-même qui est une énergie pure, bienfaisante. Ainsi, nous posons l'intention d'être pendant toute cette nouvelle journée totalement guidés, pleinement guidés par la partie supérieure de nous-mêmes, que ce soit dans nos gestes, nos paroles, nos actes, nos décisions. Accueillir pleinement notre guidance intérieure, celle qui vient du cœur. Ainsi, nous acceptons pleinement tout ce qui peut en émerger d'authenticité et de vérité. Nous demandons pour cette journée qui commence d'être pleinement alignés dans notre unité corps, âme, esprit, et de ne pas nous laisser aller à être décentrés, perturbés, éloignés de notre centre intérieur, de ce qui fait notre particularité, notre unicité. Je demande à être pleinement guidée par mes guides de lumière pour être totalement en accord avec qui je suis profondément. Et tu aspires à nouveau avec légèreté. Tu laisses rentrer en toi une énergie nouvelle afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles cette nouvelle journée qui s'offre à toi comme un nouveau départ. Il est inutile de s'accrocher à ce qui a pu se passer hier encore. Cela faisant partie du passé, ouvre-toi à de nouvelles perspectives, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'aborder la vie, tes relations aux autres et ta propre relation à toi-même, dans une relation d'amour et de respect de qui tu es fondamentalement. Et tu respires à nouveau dans une respiration tout à fait fluide qui vient régénérer l'ensemble de tes cellules, de tes centres d'énergie, de tes circuits énergétiques qui traversent l'ensemble de ton être, de ton corps. Et demandons que cette énergie régénérante traite, régénère également l'ensemble de nos corps subtils, comme une toilette matinale, comme une douche rafraîchissante et nettoyante. Et tu respires profondément. Puis là, quelques centimètres au-dessus de ta tête, tu peux à présent envisager une douche de lumière apaisante et régénérante à la fois. Il s'agit de la lumière et de l'énergie universelle de vie qui glisse sur toi comme une douche. Elle descend sur toi depuis le sommet de ta tête, glisse sur tes épaules, tes bras, tes mains, ta colonne vertébrale, l'ensemble de ton dos, toute la sphère abdominale, ton bassin, tes jambes, tes genoux, tes chevilles et ce, jusque sous ta voûte plantaire. Tu peux peut-être ressentir un rafraîchissement, quelque chose de nouveau qui s'installe en toi. Il s'agit de la vie qui coule en toi. Et pendant quelques instants, si tu le veux bien, nous allons simplement remplir notre cœur de gratitude. Ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Avoir la pleine conscience d'être un être vivant. D'être porteur de la vie qui coule en nous à chaque instant. Et tu respires profondément encore. Et sur l'expire, tu laisses aller l'ancien. Tout ce dont tu n'as plus besoin. Et tu portes l'intention consciente, à présent, de remercier l'ensemble de ton corps physique, l'ensemble de tes cellules, pour s'être régénéré pendant ton sommeil. Ce travail qui se fait sans que tu aies besoin d'intervenir, le travail extraordinaire que la vie fait à l'intérieur de toi, au cœur de tes cellules. Ce corps physique qui toujours se régénère à chaque jour. Eh bien, c'est cela que je te propose pour démarrer ta nouvelle journée. Accueillir le nouveau en toi et dans ta vie. Accepter de te renouveler à chaque jour, sur chacune de tes inspires. Et sur l'expire, laisser aller. Ne pas s'attacher, laisser couler, laisser s'en aller. Tout ce dont tu n'as plus besoin, tout l'inutile, tout ce qui pourrait encore t'empêcher de te réjouir de cette nouvelle journée, ce nouveau départ qui se propose à toi. Alors tu respires encore profondément, à ton rythme, naturellement. Tu te gorges de cette vie qui est là. Tu laisses monter en toi la joie dans des sentiments de gratitude pour tout ce qui est. Tout ce qui est dans ta vie de positif. Tout ce qu'il y a d'agréable déjà. Et tout ce que tu es. Tout ce que tu représentes de si important. De si essentiel. Ta tête se redresse, tu laisses monter en toi des sentiments de confiance, de foi en la vie, en l'univers, et dans un grand geste d'ouverture, une grande inspire, où tu laisses toute ta cage thoracique s'ouvrir, se déployer. Porte ton intention d'accueillir pleinement et sans aucune restriction tout ce que la vie a te proposer et à t'offrir en cadeau dans cette magnifique journée qui commence. Tu te sens illuminé, rempli, comme les rayons du soleil qui réchauffent ta peau et qui t'emplit jusqu'au centre de tes cellules, jusque dans tes os. Tu es porté, tu es accompagné pour accomplir cette nouvelle journée. Te voilà à présent totalement régénéré, prêt à débuter ta journée dans les meilleures conditions possibles et pour accueillir une fois encore le cadeau de ta vie. Je te remercie pour ce moment passé ensemble. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.